tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Vous êtes bien sur Radio Fatchette et bienvenue pour ce numéro spécial de la boîte à BO consacré à Alain Delon en musique. Alors bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Donc toujours fidèle au poste. Eh oui, toujours. Eh oui, alors nous allons vous proposer donc de retrouver un ensemble des plus grands succès d'Alain Delon et sur musique en évoquant pour chacun d'eux quelques anecdotes. Donc sans plus tarder, bienvenue pour ce numéro spécial de la boîte à BO. Alors, Francine, commençons tout d'abord par nous dire quelques mots sur Alain Delon. Alors, Alain Delon, il est né en 1935, donc c'est 60 ans de carrière, près de 90 films, 6 récompenses internationales, dont le César du meilleur acteur en 85 pour Notre Histoire, plus de 135 millions de spectateurs en salle, sans oublier cette élection de plus belle gueule du cinéma français dans les années 60. Tantôt Guépard, Samouraï, Sicilien, Insoumis, Gitan, Flic, Alain Delon demeure un acteur majeur du 7e art français et Alain Delon valait bien que cette boîte à BO lui consacre une émission. Oui, tout à fait, donc Francine, et je vous propose donc de retrouver les grands moments de la carrière d'Alain Delon en écoutant la musique de quelques-uns de ses plus grands succès. Delon présent au cinéma depuis la fin des années 50 et qui a surfé sur les différentes décennies qui se sont succédées. Alors commençons tout d'abord par l'année 1958, une musique que je vous propose d'écouter brièvement et que vous ne connaissez certainement pas. C'est un film, vous allez voir, donc de Alain Delon, et c'est donc le film Christine. Alors c'était en un court extrait donc de cette BO, c'est la BO du film Christine dans lequel Alain Delon tenait son premier grand rôle. Il joue un lieutenant qui tombe amoureux donc de la fille d'un musicien qu'incarne Romy Schneider, promise à un compositeur sans relief. Une rencontre marquante également en dehors des plateaux puisque Alain Delon et Romy Schneider allaient se fiancer juste après. Jérôme, évoquons maintenant les grands films de la décennie 60, à commencer par Plein Soleil de René Clément avec Marie Laforêt et Maurice René, avec une musique du film sur fond de mandoline composée par Nino Rota. Plein Soleil marque la première collaboration entre le comédien Alain Delon devant la caméra de René Clément. Ils se retrouveront peu après pour les tournages de Quelle joie de vivre en 60, Les Félins en 1964 et enfin Paris brûle-t-il en 1966. Plein Soleil a été tourné en Italie, dans la province de Naples, juste avant Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Autre grand classique de la filmographie de l'acteur, puisque Le Guépard en 1963, encore de Luchino Visconti, autant de chefs-d'œuvre qui ont façonné la notoriété et le mythe de Delon. Je vous propose justement d'écouter un extrait de la BO de Plein Soleil qui, petite anecdote, a fait l'objet d'un remake en 1999 avec le talentueux Ripley Matt Damon reprenant le rôle de Delon. Thank you. Voilà, passons maintenant à l'année 1963. On retrouve Alain Delon dans ce grand classique du cinéma, Mélodie en sous-sol, d'Henri Verneuil, où il partage l'affiche avec Jean Gabin. Mais 1963, c'est aussi Delon dans La Tulipe Noire de Christian Jacques. 1968, autre année clé dans la carrière d'Alain Delon, avec les retrouvailles avec Maurice René et Romy Schneider dans un huis clos solaire de légende autour d'une piscine. Il faut savoir que Romy Schneider n'était pas pressenti au départ, mais que Alain Delon a menacé de ne pas faire le film si son ancienne fiancée n'était pas engagée, et la production a fini par céder, ce qui aura pour conséquence de relancer complètement la carrière de l'actrice allemande, notamment choisie par la suite par Claude Sauté pour Les choses de la vie. Alors je vous propose tout de suite de retrouver un extrait de la BO du film, donc La Piscine, signé Michel Legrand. Alors, passons maintenant à la décennie 1970, marquée également par de nombreux films à succès pour Alain Delon et avec de grandes découvertes, à commencer par Borsalino sous la caméra de Jacques Deray et avec son face-à-face d'anthologie avec Jean-Paul Belmondo. La musique est confiée au compositeur Claude Bolling, qui est le compositeur attitré de la plupart des films de Jacques Deray. La musique est bien évidemment très connue avec ce drôle de morceau arrangé sur un piano bastringue, un piano arrangé soigneusement désaccordé. Cette musique rétro collera longtemps à la peau de Claude Bolling. On lui demandera également le générique de la série TV Brigade du Tigre, qui a en effet quelques airs de ressemblance avec cette BO que je vous propose d'écouter. Voilà, c'était Borsalino avec Claude Bolling. Alors maintenant, passons toujours dans les années 70 et retrouvons une autre grande rencontre, cette fois-ci avec Simone Signoret dans La Veuve Coudert, un film réalisé par Pierre Granit-Defer. S'estimant mutuellement, Alain Delon et Simone Signoret se retrouveront donc 2 ans plus tard, après La Veuve Coudert, dans Les Granges Brûlées en 1973. Alors c'est Philippe Sardes qui signe la BO de La Veuve Coudert, une très belle partition. Dans les années 70, Alain Delon va jouer à plusieurs reprises sous la direction de Jean-Pierre Melville. Le Samouraï, Le Cercle Rouge et Un Flic, le dernier film justement de Jean-Pierre Melville, cinéaste qui disparaît le 2 août 1973 à l'âge de 55 ans. Le Cercle Rouge rencontre un grand succès public avec notamment Bourvil dans son dernier grand rôle et c'est la première fois que Bourvil verra son prénom André sur l'affiche du film. C'est Éric de Marsan qui signe la BO du film. Thank you. Alors, une autre grande rencontre, c'est la rencontre avec donc Jean Gabin. Après Mélodie en sous-sol en 1963 et Le clan des Siciliens en 1969, eh bien, en 1973, sort sous les écrans Deux hommes dans la ville de José Giovanni. Un film qui pose la question de l'abolition en France de la peine de mort et qui interviendra plus tard en 1981. Alors, la musique est signée à nouveau Philippe Sard. Changement d'ambiance avec la décennie 80 où Alain Delon va enchaîner les rôles de policier et de justicier. Commençons par évoquer Pour la peau d'un flic en 1981, un film produit et réalisé également par Alain Delon. Suivront Le battant en 1983, Parole d'un flic en 1985 et Ne réveillez pas un film qui dort en 1988. Pour Parole d'un flic, on retrouve comme musique du film Benson Hurts Blues, chanté par Oscar Benton, morceau devenu un grand classique. Bay Parkway Wonder, you're such a success. I know inside you've got the Benson Hurst blues. Christmas you want. Voilà, c'était Oscar Benton pour la musique donc, du film Parole d'un flic. Alors pour terminer, Francine, sais-tu qu'Alain Delon a joué dans un film fantastique assez atypique. Il s'appelait Le Passage de René Manzor en 1986, réalisé donc justement par René Manzor. Et la BO a connu un certain succès avec la chanson de Francis Lalanne, On se retrouvera. Et je vous propose donc tout de suite de retrouver un extrait de cette BO. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes. L'amour est plus fort que tout, ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi. Voilà, c'était Francis Lalanne, On se retrouvera, la BO du film donc, réalisé par René Manzor, donc Le Passage. Alors Alain Delon n'a plus tourné au cinéma depuis 2008 et Astérix aux Jeux Olympiques, dans lequel il s'amusait à caricaturer son image de personnage narcissique. Alors justement, séducteur et provocateur, il aime manier le franc-parler, n'hésitant pas à s'offrir luxe de déplaire. On ne va pas se quitter sans citer quelques-unes de ses phrases choc, comme celle prononcée au Figaro en 2013, « Il n'y a que le Christ que je n'ai pas joué, c'est un peu tard ». Et moi, j'aime bien celle-ci, « J'aime qu'on m'aime comme je m'aime ». Oui, c'est tout à fait donc du Alain Delon dans le texte. Voilà, donc ainsi s'achève donc ce numéro spécial de la boîte à BO consacré à Alain Delon. Alors, j'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir à découvrir ou à réécouter quelques-unes de ses plus beaux musiques de films. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet. Francine, eh bien, rendez-vous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'être fidèle à l'émission. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.